Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, aujourd'hui Caprice de lecture va vous faire découvrir un ovni dans le paysage littéraire actuel. Quand les étoiles brûlent en plein jour, le premier roman de Sarah Crossi qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Sarah. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui donc pour cette émission et pour surtout qu'on puisse parler donc de ton premier roman entre intrigue, science-fiction et aussi psychologie. Tout à fait. Alors Sarah, ce livre, à mon sens, est une révélation sur la maltraitance psychologique et non pas physique, ce qu'on entend malheureusement de plus en plus chaque jour, la maltraitance physique, mais la maltraitance psychologique, on en parle un peu moins. Oui. Et du coup, toi, tu l'abordes de manière assez originale, ou on va dire avec un autre regard. Comment t'es venue l'inspiration pour ce roman ? Eh bien, d'un cauchemar, au départ, okay. Que j'ai fait en 2020. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, déjà j'étais assez effrayée, comme ça donne tout de suite le ton du roman. Donc je me suis réveillée en me disant, waouh, qu'est-ce que c'était que ça ? Ça peut être intéressant comme histoire. Donc au début, je me suis dit, je vais en faire une petite nouvelle, je vais raconter ce cauchemar sous forme de nouvelle. Et puis en fait, en commençant à écrire, j'ai plein d'autres idées qui me sont venues, plein de thèmes que j'avais envie d'explorer. Et puis donc c'est devenu... ce beau bébé, on va dire. Un beau roman, oui, un premier beau bébé. Alors justement, comment je me dis que le cauchemar a dû être extrêmement marquant et terrifiant. Oui. Est-ce que tu as envie de le coucher sur le papier ? Oui, en fait, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être dans une série, dans mon cauchemar. Je pense que ça nous arrive à tous d'être projetés la nuit dans des univers un petit peu cinématographiques. Là, c'était le cas. Je m'étais dit, je ne peux pas l'oublier, ce cauchemar, parce qu'il y a plein de choses, plein de symboliques, plein de thèmes. Et il faut que j'en fasse quelque chose, quoi. Et le fait de l'avoir couché sur le papier, ça m'a donné d'autres idées. Et puis, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin que ça. Ouais. C'est l'occasion peut-être de faire passer des messages, de créer toute une histoire, tout un univers avec des thématiques fortes, dont celle que tu as évoquée. Et l'écriture, avant qu'on aille un peu plus loin dans l'interview, est-ce que c'était quelque chose que tu avais... est-ce que c'était un projet qui mijotait, on va dire, un petit peu depuis longtemps, et puis quelquefois, on se dit, je repousse, j'ai pas le temps, ou non, je suis pas capable, ou est-ce que tu avais déjà écrit des choses que t'as pas forcément révélées? Parce que passer d'une nouvelle à ce beau bébé, je me dis, c'est quand même un travail. Oui, alors j'ai toujours écrit, moi, depuis que je sais écrire, j'ai toujours écrit. D'accord. Quand j'étais plus petite, c'était beaucoup de poèmes. J'écrivais énormément de poèmes. Ok. Et puis, mon tout premier roman, j'ai commencé à l'écrire quand j'étais en troisième. J'en ai rien fait de celui-ci, mais j'avais quand même... Oui, je l'ai gardé. Tu l'as gardé. J'ai encore mes petits chapitres écrits à la main. Et puis, c'était une histoire avec mon regard d'ado de 14-15 ans, quoi. Ouais. Mais j'avais commencé ce premier roman. Et puis ensuite, les études, le travail ont fait que j'avais un peu moins le temps d'écrire, mais j'ai quand même continué à écrire, faire des petits concours d'écriture comme ça pour m'amuser. Et là, c'était pas prévu que ce soit un roman à la base, mais comme j'ai dit, quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, pourquoi pas renouer avec le roman finalement. Et puis peut-être que toi, t'étais prête à tenter cette aventure aussi. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est venu à un moment où j'étais prête justement. Okay. Et... en plus, 2020, tu connais le contexte, plus de temps, forcément. Oui, et au lieu de passer 8 heures devant la télé, c'est quand même plus sympa d'écrire. Oui, exact. Alors, justement, on va parler de l'étoile, qui est un élément central du roman, qui fait voyager, mais qui, en même temps, prend le contrôle sur la vie de l'héroïne. Oui, sans qu'elle... Elle ne s'en rend pas compte sur le coup. Non, non, et puis l'idée, c'est... c'est justement ça, qu'elle ne s'en aperçoive pas. Enfin, pour elle, c'est vraiment une étoile positive qui lui permet de voyager, quoi. Je l'ai vue vraiment comme un échappatoire à sa vie de petite fille, d'ado et d'adulte, donc à cette héroïne. Et en fait, on est presque content pour elle quand on lit ce qui se passe avec cette étoile. On se dit, c'est chouette, ça lui permet de décompresser, de revivre des souvenirs, etc. Et petit à petit... Et c'est là que je trouve que le roman est vraiment bien fouillé, tu décris bien les scènes. Petit à petit, on se rend compte que c'est un piège. Il y a une bascule, voilà. Il y a une bascule qui est, pas flagrante hein, sur le coup. Et non, l'idée, c'est que ça ne soit pas flagrant. Ça arrive à nous mettre le doute. Voilà. Et, ah non, et après, alors là, voilà. Mais cette espèce de piège, ça ressemble un peu, alors c'est ce que je disais au départ, hein, à une espèce de maltraitance psychologique, c'est-à-dire qu'elle-même finit par se dire, ben, c'est peut-être moi qui invente, ou c'est peut-être qu'elle est mal réglée, parce qu'il y a une histoire de réglage, tout ça, etc. Et en même temps, donc, quand on se rend compte de ce piège, on se rend compte aussi également de la vraie personnalité de sa mère. Oui, en fait, c'est-à-dire, c'est ce que je dis quand je présente ce roman en salon du livre, je dis que l'héroïne se construit autour de cette étoile. Hein. Oui. C'est vraiment son univers. Et à un moment, il y a un élément extérieur qui vient un petit peu bouleverser l'équilibre établi avec son étoile. Et en bouleversant l'équilibre établi, ça vient bouleverser également la relation qu'elle a avec sa mère. Et ça, ensuite, bah, voilà. Moi, je ne spoil voilà. pas. Les éléments s'enchaînent. Voilà. Mais je trouve ça intéressant parce que le parallèle, en fait, la puissance que l'étoile peut avoir sur elle rend aussi la mère encore plus puissante. Elle est emprisonnée, cette jeune fille, en fait. Elle est complètement... Oui. Elle ne peut rien faire. Tu vois, tu utilises le terme emprisonnée. Dans le terme emprisonnée, il y a emprise. Et effectivement, oui. C'est ça que j'ai vraiment voulu... aborder l'emprise psychologique et dans différentes formes de relations, là en l'occurrence l'emprise dans le cadre du cercle familial. Parce que même le père n'a pas trop son mot à dire en fait. Voilà. Il y a un peu ce qu'on appelle une dynamique familiale qui se construit. Et ce qu'on appelle en jeu vidéo, le père, il est PNJ en fait, personnage non joueur. Oui. Oui, il est là pour, voilà, parce qu'il a son rôle de papa, mais il n'est pas décisionnaire. Non. Et... Effectivement. C'est assez troublant. Alors Sarah, on va faire une première coupure musicale de ton choix qui oui. s'appelle « Citoyen du monde » d'Ashka. Peux-tu oui. nous expliquer ce choix ? Ce choix, je l'ai fait parce qu'il correspond à des valeurs okay. dans lesquelles j'ai été élevée. Ouais. Voilà, moi je suis issue aussi de l'immigration. Mes grands-parents étaient italiens okay. et on m'a toujours élevée dans l'optique que tout le monde est bienvenu. Sur cette terre, en fait, okay. peu importe d'où un il vient. Un peu bienvenue chez moi, quelque et part. Et voilà, ouais, vraiment avec... dans le contexte actuel, ça me semblait important à rappeler. Voilà, que ça correspond complètement à mes valeurs, ça, d'accueil, d'ouverture okay. au monde. Et c'est aussi parce que dans mon livre, j'essaye d'ouvrir, de développer l'esprit critique. Et aussi parce que cette chanson-là, alors il y a deux choses qui sont des piliers dans ma vie. Il y a l'écriture, il y a aussi la musique. Ouais. Et c'est un morceau qu'on interprète dans le groupe de musique dont je fais partie. Okay. Et comme les membres de mon groupe, ils sont très importants pour moi, qui partagent tous les moments importants de ma vie. Ça, c'est un moment important pour moi aujourd'hui, okay. donc je voulais qu'ils soient un petit peu avec moi aussi. Voilà. Super. C'est une musique qui t'accompagne quand tu écris ou pas ? Quand j'écris, pas forcément, mais c'est une musique qui m'accompagne en tout cas. Ok, qui t'accompagne dans ta vie. Voilà. Et bien, on se retrouve juste après. Pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Fallait crever de faim ici tous ensemble. Soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh, yo. Sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission en présence de Sarah Crossi pour son premier roman « Quand les étoiles brûlent en plein jour ». Sarah, est-ce que tout va bien ? Tout va bien, merci beaucoup. Ça fait drôle, on est deux Sarah côte à côte, oui. Avec la même orthographe de prénom par-dessus le marché, donc c'est vraiment rigolo. Alors Sarah, pour continuer un petit peu donc, sur ce premier roman, j'avais très envie qu'on parle du personnage d'Inaya. Oui, Inaya. Il y a aussi un rôle. Elle est un peu le pendant de la mère de l'héroïne. C'est-à-dire que tout ce que la mère a de négatif, Inaya l'a en positif un petit peu. C'est une espèce de balance de Robert Val, comme ça. Inaya, est-ce qu'elle t'a été inspirée par une personne de ta vie personnelle ? Est-ce qu'elle aussi sort de ton cauchemar de 2020 ? Moi, je l'imagine comme une jeune ado avec un look un peu décalé par rapport aux autres. Ils ont tendance à être tous un peu uniformes, les ados aujourd'hui, je trouve. Ils mettent les mêmes vêtements, ils ont la même coupe de cheveux, etc. Et Inaya, elle sort du lot d'ailleurs, c'est ce qui attire l'héroïne tout de suite. Elle sait qu'elle va s'entendre avec elle, il y a quelque chose chez elle qui l'attire. Inaya, c'est quoi ? Inaya, c'est ce que j'aurais aimé être quand j'étais ado. J'aurais voulu avoir son audace. Sa franchise peut-être, mais surtout son audace de ne pas rentrer dans les cases. Parce ouais. que moi, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire. Je pense que maintenant, je ne rentre plus dans les cases et c'est très bien comme ça. Mais quand j'étais ado, j'osais moins. Et en fait, c'est un petit peu, l'expression de ce que j'aurais aimé être. Et puis, elle ne m'a pas été inspirée par une personne en particulier, ouais. mais par des personnes que j'admirais à l'âge-là, parce qu'elles étaient un petit peu affranchies comme ça. Et je me disais, waouh, ça a l'air génial. Mais, synonyme un peu mais moi, rebelle, pas, en fait. Quoi. Un petit peu, oui. Voilà. Et moi, j'y arrivais pas. Et ça me frustrait beaucoup et en même temps, j'osais pas, quoi. Donc voilà, je me suis dit, là, quand on est auteur, c'est bien. On ouais. peut Enfin, on a le champ des possibles derrière le clavier, on est libre comme voilà. Le vent. On peut imaginer n'importe quel personnage avec n'importe quel caractère et ouais Inaya c'était l'expression voilà de ce que c'était Sarah Crossi si elle avait été un peu plus rebelle. Si elle avait alors rebelle, je l'étais pas mal hein, quand même mais pas forcément dans pas forcément dans le cadre scolaire, dirons-nous. OK. Voilà. Cadre scolaire, tu étais hyper sage. Alors ça, je sais pas, parce que je faisais quand même signer... Non, mais j'avais quand même... je me souviens que j'avais fait signer une pétition aux autres élèves de ma classe parce qu'on n'avait pas le temps de manger à la cantine. Donc quand même, j'avais ce côté... Ah, quand même un peu. Mais c'était plus dans le physique. Je rentrais dans les cases. Les vêtements dans les et vêtements, tout ça. La mode, les goûts musicaux que j'osais pas dire mes vrais goûts musicaux au collège parce que c'était pas tendance. Voilà, c'était plus dans ce sens-là. OK. Ouais. Et elle va, donc pour en revenir justement au roman, l'héroïne va devoir se séparer d'Inaya pour la protéger aussi. Oui. C'est une fêlure indélébile pour elle, pour les deux. Oui. Pour les deux, c'est une peine immense. Inaya ne comprend pas pourquoi l'héroïne ne veut plus la contacter. Oui. Et l'héroïne se force à ne pas lui dire la vérité pour la mettre en sécurité. Oui. Elles vont se retrouver bien après. Et j'ai trouvé ce moment... en termes d'émotion, bouleversant, parce que c'est comme si elle avait perdu une sœur qu'elle n'avait... Alors, elle a sa grande sœur, hein, l'héroïne, mais qui est lointaine. En fait, dans le roman, elle est vraiment en second, voire troisième plan. Et elle arrive juste comme ça, de temps en temps. C'est un écho dans sa vie, puisqu'elle est... elle a déjà quitté la maison. Et sa sœur ne peut pas l'aider dans ce qui lui arrive. Mmh. Et le fait qu'elle quitte Inaya, pour moi, elle perdait sa vraie sœur. Mais en fait, j'avais envie d'aborder un sujet qui, pareil, selon moi, n'est pas suffisamment abordé, c'est les ruptures amicales. Oui. On parle beaucoup de ruptures amoureuses dans la musique, dans le cinéma, dans les romans, et moins de ce que ça peut faire vivre quand il y a des ruptures amicales. Alors que pour moi, l'amitié est une magnifique forme d'amour, et qui peut aussi avoir ses failles, ses blessures, et à la fois... rendre hommage à l'amitié, puisque il y a d'autres choses qui sont possibles après une rupture amicale. Oui. Et j'avais envie d'aborder ça, aussi parce que je pense que c'est des événements que beaucoup d'ados vivent. On vit les choses très intensément quand on est ado, y compris avec ses amis. On a l'impression que c'est pour la vie, voilà, c'est fini pour toujours, on s'enlèvera jamais. C'est tellement intense et court. Oui. Tellement d'accord avec toi. Et oui, et puis moi j'ai pu vivre des ruptures amicales en fait quand j'étais ado et j'avais pas de... Alors autant quand on vit une rupture amoureuse, on peut écouter des chansons qui parlent de ça. Et pleurer tant qu'on peut. Pleurer tout ce qu'on peut en mangeant une glace ou du chocolat, qu'importe. Autant quand on vit une rupture amicale, il y a moins de références, il y a moins de contenu qui nous permettent de nous identifier et de comment dire ça. Non, je comprends. De vivre la douleur à travers des contenus, quoi. Voilà. Tu l'expliques bien. Et c'est pour ça que je te pose la question, parce que j'avais quand même l'impression qu'il y avait du vécu derrière ça. Ah, bah alors après, quand on est auteur, forcément. Pour que ce soit aussi intense. Il y a du vécu qui est distillé. Oui, bien sûr, j'ai très déjà intense. Vécu des ruptures amicales. Alors maintenant, je ne les vis plus pareil, bien sûr. Mais quand on est ado, c'est douloureux. C'est vraiment extrêmement douloureux. Et j'avais envie de. Pour les ados qui me liraient, de leur proposer de s'identifier et d'avoir un... de se dire, bah voilà, je suis pas tout seul, ça peut... D'ailleurs, c'est marrant, tu parles d'ados qui te liraient. Quand j'ai lu le roman, moi je me place en tant qu'adulte. Mais est-ce que c'est un roman qui est avant tout destiné aux ados? Ou est-ce qu'en fait tu ouvres le champ des possibles? Alors non, c'est pas avant tout destiné aux ados, c'est accessible aux ados, mais... C'est un peu comme ces livres pour enfants qui sont accessibles aux enfants, mais qu'on peut lire en tant qu'adulte parce qu'il y a une autre lecture. Oui, voilà. D'accord, je vois. Là, l'idée, c'est un peu ça aussi. Même ça si aussi. J'ai principalement des adultes qui me lisent, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'adultes qui me lisent et qui apprécient mon roman, donc ça me fait très plaisir. Et je pense qu'il a deux lectures, en fait. Oui. La lecture ado. Alors... Bon, je le conseille à partir de 14-15 ans, parce que les thématiques abordées sont quand même assez difficiles. Et puis, je pense qu'en termes de maturité intellectuelle, avant, on n'est peut-être pas au rendez-vous. Non, Non, okay. Non. 14, 15 ans, voilà, je dis toujours 4e, 3e, et puis au-delà, ouais. Bien sûr. Ouais. Mais non, il est aussi destiné aux adultes. Il n'est pas oui. Que pour les ados, quoi. Ok, voilà. L'héroïne est une petite fille, une ado et une jeune adulte sous emprise de sa mère. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette femme qui est impitoyable? C'est une femme qui n'est... Moi, j'ai l'impression, quand je lisais, d'avoir un robot, en fait, qui n'a... Elle... Tu lui donnes pas de sentiments, elle n'a pas de larmes, il n'y a pas de gestes tendres envers sa fille, il n'y a pas... y a que des ordres, que des menaces de punition bah, qui ne peuvent pas s'appliquer parce que de toute façon, elle ne peut rien faire, cette jeune héroïne. Donc, au bout d'un moment, d'ailleurs, elle fait elle-même l'analyse. Mmh. On n'en dit pas plus. Mmh. C'est quoi le... Comment on peut être une mère en étant comme ça? Et c'est quoi ton personnage? Mmh. C'est quoi ton truc pour nous la décrire comme ça? Moi, je tournais les pages, je me disais, oh, encore monter d'un cran, c'est pas possible. Il y a plusieurs choses qui m'ont inspirée. Je dirais que ce qui m'a le plus inspirée dans la vraie vie, c'est mes 10 ans en tant que travailleuse sociale où malheureusement j'ai croisé des parents comme ça. Tu as été travailleuse sociale? Oui, j'ai été éducatrice spécialisée pendant 10 ans. Et t'as arrêté? J'ai arrêté, oui. Voilà, parce que je pense que j'avais atteint oui, une limite, ça m'a apporté, je ouais. Ne regrette rien. Mais il fallait que t'arrêtes. Voilà, il fallait que j'arrête. Et j'ai fait, dans ces 10 années-là, j'ai fait 5 ans en milieu carcéral, en fait, avec des personnes détenues. Et j'ai croisé, malheureusement, des parents comme ça. Et donc, j'ai pas forcément croisé une mère en particulier, oui. Mais disons que ça m'a été inspiré d'abord par ça. Et ensuite, il y a deux personnages qui m'ont marqué quand j'étais ado. Le premier, c'est Folcoche, Vipère au Poing. Évidemment. J'ai découvert Vipère au Poing quand j'étais en 4e avec ma prof de français. Et ça m'a, ce livre m'a à la fois fascinée et traumatisée. On a tous été traumatisés. Oui, quand voilà. On entend Vipère au Poing, on dit, c'est pas possible. Oui, il y avait vraiment, j'étais traumatisée de cette mère. Et à la fois, j'étais fascinée par... je me disais, mais l'écriture, elle permet vraiment d'explorer la psychologie humaine jusque-là. Quoi. Ouais. Et je m'étais dit, ben... Voilà, dans mon roman, je veux explorer la psychologie humaine jusque-là. Et puis, il y a un autre personnage. Ça, j'ai percuté il n'y a pas longtemps que ça a été une de mes inspirations. Des fois, on écrit et on se rend pas compte. Tu te rends pas compte ? Non. Et en fait, moi, j'ai beaucoup aimé, quand j'étais ado, Les Royaumes du Nord. Ouais. Voilà, je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Oui, c'est vraiment générationnel, ça. C'était okay. Une trilogie, en fait, hein, de fantasy, un peu à la même époque qu'Harry Potter. Okay. Et donc, la mère de l'héroïne est aussi... elle ressemble. Odieuse. Elle ressemble à celle que j'ai décrite ici. Voilà. Ok, bah écoute, je crois que je crois que j'ai la réponse à ma question. Alors, sur un ton un peu différent, on va procéder à une deuxième coupure musicale, toujours de ton choix. Donc, c'est Comment je m'appelle, d'Anne Sylvestre. Oui. Dis-nous tout, Sarah. Ah, alors, Anne Sylvestre, je la connais depuis petite, puisque ma mère et mon parrain adorent Anne Sylvestre. Okay. Ils ont toujours écouté ça. Mais la chanson « Comment je m'appelle », je l'ai découverte quand ma mère l'a chantée dans un stage de chant auquel on participait toutes les deux il y a quelques années. Et j'ai été bouleversée, en fait, d'entendre ma mère chanter cette chanson parce qu'elle elle évoque vraiment la condition des femmes, en fait. Okay. Et ce qu'une femme peut ressentir en étant associée à des étiquettes. Okay. Et ça m'a vraiment bouleversée à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça beau que ma mère la chante. J'ai senti une sorte d'émancipation en la regardant la chanter, une émancipation chez elle. Ouais. Elle s'est déployée comme okay. ça. Ça m'avait beaucoup émue. Et du coup, j'ai fait d'ailleurs un clin d'œil à cette chanson. Dans mon roman, okay. Un des points centraux. Voilà. D'accord, on se retrouve juste après pour ton caprice de lecture et ton actualité. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je l'ai oublié. Vous me le direz, je l'ai oublié. Quand j'étais petite et que j'étais belle, on m'enrubanait de ces noms jolis. On m'appelait fleur, sucre ou bien dentelle. J'étais le soleil et j'étais la pluie. Quand je fus plus grande, hélas à l'école, j'étais la couleur de mon tablier. On m'appelait garce, on m'appelait folle. J'étais quelques notes dans un cahier. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais. Vous me le direz, je les oubliais. Quand je pris 15 ans, que s'ouvrit le monde, je crus qu'on allait enfin me nommer. Mais j'étais la moche et j'étais la ronde, j'étais la pleurniche et la mal lunée. Quand alors j'aimais, quand je fus sourire, quand je fus en vol, quand je fus lilas, j'appris que j'étais ventre et même pire, que j'étais personne, que j'étais pas. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais. Vous me le direz, je les oubliais. Je fus berceau et puis biberonne, j'oubliais tout ça quand je fus rosier. Puis me réveillais un matin torchonne, j'étais marmitasse et Pierre Dévier. J'étais ravaudière, j'étais routine, on m'appelait soupe, on m'appelait pas. J'étais paillasson, carreau de cuisine, et j'étais l'entrave à mes propres pas. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais. Vous me le direz, je les oubliais. Puis un jour, du fond de ma tombe, j'entendis des voix qui se rappelaient. Plaisir et douleur, souvenirs en trombe. J'étais vivante et on m'appelait. Peu importe alors l'état de la cage, le temps qu'il faudra pour s'en évader, je saurai quoi mettre en haut dans la marge pour recommencer mon nouveau cahier. Je sais maintenant comment je m'appelle, je vous le dirai, je vous le dirai. Je sais maintenant comment je m'appelle. Demain que je l'oublierai, et c'est pas demain que je l'oublierai, et c'est pas demain que je l'oublierai. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour cette troisième et dernière partie d'émission qui a été consacrée au premier roman de Sarah Crossi, Quand les étoiles brûlent en plein jour. Sarah, après toutes ces explications sur ce premier roman et tes inspirations, peux-tu nous faire part du caprice de lecture que tu as choisi ? La parole est à toi. Oui, ça a été difficile de choisir, hein. Il y en a tellement. Ah oui, c'est compliqué quand même comme question. Du coup, j'avoue que je suis allée sur ma lecture du moment, qui en plus est un vrai coup de cœur. Ouais. Je viens de le finir. Ça s'appelle Entre les vagues et le ciel, de Valérie Storr, qui est une autrice du coin aussi. Ok. Voilà, elle habite dans le secteur Messin, comme okay. moi. Et c'est un roman qui est aussi doux que son autrice. Son autrice est artiste et très douce, bienveillante. Et son roman, j'ai beaucoup aimé parce que il est à l'image de la vie. Donc, on suit le parcours de Julien. Oui. On suit cette histoire à travers ses yeux, et Julien, il est plein de contradictions. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on peut s'identifier à ce personnage, parce qu'on est tous emplis de contradictions, et lui, c'est le cas. On sent que il fait tout un tas de choses. Alors c'est dur, hein, de résumer sans spoiler, oui. Justement. C'est toujours compliqué. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé suivre le parcours de Julien qu'on découvre sur plusieurs années. Ouais. Et là, on le découvre à un moment de sa vie où il revient en Ardèche, où il a grandi à partir de ses 11 ans. Okay. Donc, en plus, il y a beaucoup de descriptions de paysages. Elle nous transporte en Ardèche avec. Elle le fait d'une manière où vraiment on s'y croit, quoi. On sent les odeurs, on sent la chaleur, on sent le parfum de vacances. Et on sent aussi toute. Comment dire ? Tout ce qu'on peut rencontrer, nous, dans une vie, le fait de s'éloigner à un moment, de s'émanciper de sa famille, de vouloir aller chercher ailleurs, peut-être au niveau professionnel, au niveau relationnel, finalement de s'éloigner peut-être de notre être profond en se disant que ça va être bien, et puis de revenir petit à petit aux sources. Et on suit tout ça, et moi j'ai beaucoup aimé ce roman et la manière dont Valérie Storr traite ces sujets-là. D'accord. Bah, c'est bon à savoir en plus qu'elle est du coin. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, voilà. Sarah, pour terminer, peux-tu nous faire part de ton... Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité sur les réseaux sociaux? Et puis, je crois que tu seras en salon fin septembre. Bah, voilà, je te laisse nous dire si les auditeurs et les lecteurs de ton livre ont envie de te poser des questions sur le livre, sur toi, ou comment te rencontrer. Comment on fait? Ah ben ils peuvent me contacter avec un grand plaisir sur les réseaux sociaux, alors Instagram ou Facebook. Ok. Je suis un petit peu plus active sur Instagram, mais je suis aussi sur Facebook. D'accord. Donc, Facebook, c'est Sarah Crossi. Sarah Crossi, autrice, correctrice. Oui. C'est un peu long, mais parce que je suis aussi correctrice, donc j'ai un compte Instagram qui fait les deux, en okay. fait. Oui. Mais on peut m'écrire là sans aucun problème. Et puis, ensuite, en effet, on pourra me voir au Salon du Livre de FAMEC le 24 septembre okay. avec d'autres auteurs et autrices de talent. Je suis ravie de participer à cet événement. Super, merci beaucoup Sarah, encore une fois, d'être venue nous parler donc de ton premier roman, Quand les étoiles brûlent en plein jour. Ce fut un vrai plaisir, j'espère plaisir partagé. Oui, plaisir amplement partagé, je te remercie encore. Super, merci, et puis à très vite. Au revoir.